Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de vous réveiller avec France Culture. Nous sommes le vendredi 27 février. Et notre jour est possible, votre réveil culturel avec, dans un instant, Elisabeth Day pour le cinquième et dernier épisode de notre série consacrée à l'Indonésie. L'Indonésie au centre de rien et au carrefour de tout. Et puis en deuxième partie, comme tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée. Et aujourd'hui, un roman graphique à lire et à offrir et à garder très précieusement, c'est Ici, de Richard McGuire. Comment, qu'est-ce qu'on me dit ? Richard McGuire. Ok, ça se prononce Richard McGuire, mais si vous voulez me laisser juste le prononcer à la française, ce serait pas mal. Donc Richard McGuire sera mon invité en deuxième position. Pour parler d'Ici, bien sûr, sa bande dessinée chez Gallimard, édité chez Gallimard, et aussi pour son exposition actuellement à la Galerie Martel à Paris. Tout de suite, Tête chercheuse. Tête chercheuse avec Elisabeth D. Inandiak, écrivain, journaliste, auteur du livre de Chentini. Toutes les informations sur votre biographie et votre bibliographie, ainsi que votre filmographie, je rappelle que vous avez même travaillé avec Rhys Evans, est disponible à la page de l'émission Un autre jour est possible. Et aujourd'hui, dernier épisode de notre série L'Indonésie au centre de rien et au carrefour de tout. Aujourd'hui, on va parler de la carte et du territoire, pour reprendre un titre de Houellebecq, la carte de l'eau. Donc, l'emplacement stratégique de ce pays au carrefour de l'Inde, de la Chine, de l'océan Pacifique et de l'océan Indien, la carte de l'eau et le territoire de la foi, parce que ça se joue en Indonésie aussi, entre l'islam radical d'aujourd'hui et le soufisme. Ça reste un berceau du soufisme, l'Indonésie. En Indonésie, on n'emploie pas le mot soufisme, on emploie le mot tasawuf, qui est le mot arabe en fait, qui est l'étude des textes des penseurs, des poètes, des mystiques soufis du Moyen-Orient, de l'Andalousie, Ibn Arabi, Al-Ghazali, etc. Et donc ces textes sont étudiés dès l'école primaire presque ou secondaire dans les réseaux de qu'on appelle pesantren. C'est un peu les madrassas ou les aouyas, mais dès qu'on dit le madrassa, on imagine l'intégrisme musulman, donc c'est difficile d'employer ce mot. Donc employons le mot indonésien qui est pesantren. Et pesantren, c'est intéressant parce qu'il est construit sur la racine santri. Santri, c'est le disciple, et c'est un mot sanskrit qui était donc les disciples bouddhistes ou hindous. Ouais. Donc ça montre bien comment l'islam soufi a épousé les anciennes structures et traditions et s'est superposé sans annuler ce qui existait avant. C'est-à-dire les centres de savoir, d'études bouddhiste existe toujours, bien sûr. Très peu. Le bouddhisme est minoritaire quand même aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le terme qui veut dire zaouya ou centre école coranique en Indonésie, il est formé sur un mot sanskrit sur le mot disciple en sanskrit, disciple donc bouddhiste ou hindou. Et donc, on apprend les grands philosophes musulmans, on peut le dire, le soufisme tel qu'on le définit ici. Est-ce qu'on apprend autre chose dans ces centres d'études, dans ces médarsas? Donc, dans ces pesantren, il y en a à peu près, je ne sais plus s'il y en a 10 000 ou 20 000 peut-être, enfin, c'est considérable. Donc, les enfants y rentrent dès le plus jeune âge, ça peut être même dès la maternelle ou l'école primaire. Donc, il y a plusieurs systèmes, il y a des systèmes mixtes, c'est-à-dire qu'il y a des écoles où ils étudient que les études coraniques, etc. Et donc, le matin, ils vont à l'école publique du village, c'est souvent dans les villages, ces pesantren ayant des terres qu'ils cultivent pour créer... faire une autonomie, parce que souvent, il y en a qui sont très chics, chers, mais la plupart sont gratuites, sont ouvertes aux enfants les plus pauvres, comme celle avec qui j'entretiens des liens très étroits sur le volcan du Merapi, dont le chef spirituel accueille les orphelins, les drogués des villes, les désaxés, et en même temps, il leur apprend un métier, c'est-à-dire qu'ils cultivent la terre, mais ils montent des petites entreprises, des garages, des fabriques de meubles, des couturières, ils apprennent la microéconomie, etc. Donc ils sortent de ces écoles, pas simplement avec un bagage spirituel, mais avec un bagage économique et des capacités de s'intégrer dans la société et d'y réussir. Et c'est un circuit officiel, c'est-à-dire étatique, subventionné, ou c'est un circuit totalement parallèle à... Non, c'est parallèle. C'est ce qui fait la liberté. C'est ce que j'avais cru comprendre, que pourquoi l'Indonésie, contrairement au pays et à l'échec des démocraties du monde arabe, enfin du printemps arabe, c'est que l'Indonésie, ces deux grands mouvements musulmans, dont l'un est de tradition soufie, sont totalement indépendants. Le gouvernement ne finance pas ces écoles, donc ça crée donc une très grande autonomie et donc ils peuvent être... critique du gouvernement ou être des contre-pouvoirs quand il faut. Alors, comment l'intégrisme djihadiste s'est installé dans ce pays que vous nous décrivez comme un havre de paix musulman, Elisabeth Deyni-Ndiak ? Non, il ne s'est pas installé, il a toujours été là. Simplement, pendant la dictature, il a été étouffé, comme tous les mouvements de pensée, quels qu'ils soient. Alors, celui-là, on peut trouver qu'il est violent et néfaste, mais tout le monde était muselé pendant la dictature, donc celui-là aussi était muselé. Mais ils étaient là, finalement, lors de l'indépendance, quand il y a eu des élections, les partis musulmans avaient fait 25%, c'était pas forcément des partis intégristes, mais donc il y a eu une lutte très très vive lors de la constitution pour écrire la constitution indonésienne où des mouvements musulmans voulaient faire de l'Indonésie une république islamique, et c'est Sukarno et Atta, donc le vice-président, qui sont arrivés avec les nationalistes, donc c'est ceux-là qui sont aujourd'hui au pouvoir, si on peut dire, les nationalistes et les démocrates et les laïcs, disons, qui se sont battus pour que l'Indonésie soit un pays pluriconfessionnel et non pas une république islamique. Et ils ont même adopté des termes sanscrits dans la Constitution. Donc c'est un vieux combat. Aujourd'hui, il ressort, mais il a toujours existé. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'Indonésie, c'est le pays, l'État archipel, mais aussi le pays clé pour résoudre le problème de l'intégrisme musulman ? Ça pourrait l'être. C'est-à-dire que l'Indonésie, maintenant, avec le nouvel gouvernement, voudrait se poser comme un pays de diplomatie pour régler pas simplement le conflit de l'islam, mais par exemple les conflits qu'il y a entre la Chine et certains pays d'Asie du Sud-Est, l'Indonésie faisant partie aussi de l'ASEAN, mais n'étant pas partie prenante dans le conflit des eaux territoriales entre le Vietnam, la Chine, etc. Et de même pour l'islam, beaucoup de gens en Indonésie pensent qu'ils pourraient être dans une position très favorable parce qu'à la fois ils sont asiatiques, ils sont pluriconfessionnels et en même temps ils sont le plus grand pays musulman du monde, mais ils ne sont pas arabes. Simplement, les pays arabes n'ont pas beaucoup d'estime, à ce que je sais, envers l'islam indonésien. Ils pensent que c'est... Je ne sais pas. C'est pas... Donc, pour l'instant, ils n'ont pas une très très grande influence, mais ils pourraient gagner en influence. Économiquement, l'Indonésie se porte-t-elle bien ? Écoutez, ça dépend qu'est-ce qu'on regarde. Il y a quand même encore beaucoup de gens pauvres, mais il n'y a pas une misère comme on trouve en Inde ou des bidonvilles ou une violence de bidonvilles qu'on trouve comme au Brésil ou au Mexique. Je dirais qu'il y a un peu plus d'égalité sociale, même s'il y a une énorme disparité et des gens extrêmement riches. Mais il y a une croissance considérable, la classe moyenne augmente et tire quand même le prolétariat, parce qu'il y a un prolétariat encore là-bas, vers le haut, puisque par exemple à Jakarta l'année dernière, le salaire minimum, le SMIG a été augmenté de 40%, et les salaires augmentent en général de 10 à 15% par an, les salaires des ouvriers en Indonésie. Donc si vous voulez, lentement, on tire la classe la plus basse vers le haut, les plus pauvres étant, hélas, les paysans. Alors, s'il fallait parler de la force des Indonésiens, leur savoir-faire, c'est autour des nouvelles technologies où il y a toutes sortes de richesses intellectuelles et matérielles et naturelles en Indonésie. Les Indonésiens n'ont pas cette renommée d'être des informaticiens brillants comme les Indiens. Ce sont des artistes, je dirais, un peuple d'artistes. Ils sont extrêmement créatifs. Donc, à mon avis, dès qu'ils ont maintenant accès, une nouvelle génération a accès aux universités internationales, ils deviennent brillants, aussi brillants que des Indiens ou que des Chinois. Ce qui n'était pas le cas avant longtemps, c'était une toute petite minorité. Et puis, ils ont surtout des ressources naturelles extraordinaires. Ils ont tout. Il y a tout. Ils sont dans une position stratégique. Ils sont extrêmement créatifs. Quand vous dites ils ont tout, ben, ils ont la forêt, l'eau, la pêche, les minerais, le pétrole, le gaz, en immense quantité. Et quand même si Java est très peuplé, l'ensemble du territoire indonésien, il y a beaucoup de place encore. Donc il y a des terres, mais ils importent encore du riz. C'est invraisemblable. Donc une des priorités du nouveau gouvernement dans les 3 ans, c'est de faire que l'Indonésie n'importe plus de denrées alimentaires de base. Mais il y a un énorme travail à faire. Mais si l'Indonésie est bien gouvernée, ça risque d'être un pays... oui, extrêmement brillant, mais il y avait un article qui disait, j'aimais beaucoup, un intellectuel indonésien qui disait, on ne cherche pas à être un tigre de l'Asie, on cherche une harmonie. Ça, c'est pour parler de cet état archipel. Voilà, on cherche l'harmonie, on ne cherche pas la puissance. Alors, quand il dit ça, c'est quoi ? C'est pour vous, Elisabeth Deinandiak, c'est la philosophie soufie indonésienne qui s'exprime, c'est le côté géopolitique, j'allais dire, de cette Indonésie, c'est-à-dire sa localisation, le fait que ce soit un état archipel et son histoire qui fait dire ceci, ou c'est une sagesse encore plus ancienne, encore plus... C'est difficile à dire, mais c'est tout ça converge. C'est-à-dire que si cet islam doux et lumineux est arrivé, c'est parce qu'il y avait un terrain favorable et que donc le bouddhisme, qui avait été très vivant en Indonésie, avait déjà propagé ces valeurs-là. L'acceptation des autres religions aussi. Et puis d'être toujours confronté à d'autres cultes, à d'autres langues, à d'autres... Et puis peut-être ce rapport humble de savoir qu'on vient de l'eau et qu'on risque de disparaître à nouveau dans l'eau. Donc on a le sens de l'éphémère. Donc on est simple. Les Indonésiens sont très humbles. Ils ne savent pas se mettre en avant, se vendre finalement. Mais c'est un défaut, mais c'est peut-être une qualité aussi finalement. À l'heure de la mondialisation, est-ce que l'Indonésie va devenir un autre pôle attractif pour le tourisme de masse, comme la Malaisie par exemple ? Bien, la Malaisie, c'est bien mieux se vendre, alors que c'est un pays beaucoup moins intéressant touristiquement, géographiquement que l'Indonésie. C'est beaucoup plus petit. Il n'y a pas du tout cette diversité culturelle et ethnique, mais elle sait mieux se vendre. Mais l'Indonésie, là, gagne beaucoup en tourisme international. Et puis surtout, par exemple, à Bali, il y a à peu près quoi, 2 millions, 3 millions de touristes étrangers, mais il y a 6 millions de touristes indonésiens qui y vont chaque année. Il ne faut pas oublier le tourisme local. S'il fallait lire un livre, un romancier de l'Indonésie d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous conseillez, Elisabeth Deinandiak ? Eh ben, je dirais Ayu Utami. C'est une Indonésienne, une femme qui a à peu près 40 ans, qui est la plus célèbre écrivain, que j'ai traduite d'ailleurs en français. Saman, ça s'appelle, chez Flammarion. Elle a sorti son livre en 1998, La chute de la dictature, et c'est vraiment l'histoire de cette génération de militants qui ont combattu la dictature, mais où on se retrouve aussi dans un monde à la fois politique, mais de magie, dans des forêts de Sumatra, au moment de la conversion des EVA en plantation de palmiers à huile. C'est un livre extraordinaire, voilà. Mais il y en a bien d'autres, mais elle... Ils en sont où au niveau de la parité, les Indonésiens ? Écoutez, je trouve que... Il n'y a pas de machisme en Indonésie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inégalité. Mais par exemple, c'est un signe, naturellement, quand un bébé naît, le papa va le promener dans ses bras, un nouveau-né. Les papas promènent les nouveaux-nés, ce n'est pas les nouveaux pères. Il y a toujours cette image. Les femmes, les meilleures économistes d'Indonésie, la directrice de la Banque mondiale, c'est une femme indonésienne. Les ministres, il y a beaucoup de femmes. Si vous voulez, c'est l'aristocratie qui est c'était les femmes aristocrates, souvent, qui manquaient de liberté. Mais les femmes du peuple, elles ont toujours joui d'une grande liberté, finalement, en Indonésie. Alors, c'est quoi le pôle attractif à partir de l'Indonésie? Comment on voit le monde culturel? Ils sont plus branchés sur la littérature chinoise, indienne, japonaise, enfin les voisins, ou bien c'est les États-Unis. Littérature ou ouais. Culture? Oh, culture et littérature. Culture, ben c'est ça qui est extraordinaire. Je trouve qu'ils ne sont pas polarisés. Ils sont capables de prendre partout. Ils prennent un petit peu des États-Unis. Il y a les Coréens, il y a la Chine, le Japon, l'Australie qui influence aussi, si vous voulez. Et puis, ils sont très, très ancrés dans leur propre culture. C'est leur force. Ils arrivent à se mondialiser, mais la mondialisation, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ils ont été colonisés pendant 5 siècles. Alors, c'était déjà la mondialisation. Et ils ont résisté. Ils ont leur propre langue, alors que la Malaisie, par exemple, a adopté pratiquement l'anglais. Les pays autour, l'Indonésie, a développé le malais en une langue qui s'appelle le Bahasa Indonesia, et où ils ont une littérature, ils ont tout est en indonésien, et donc ils ont une force d'avoir des racines très profondes et d'être capables, comme ça, de s'inspirer d'une multitude de pays, quoi. Elisabeth de Inandiak, pour terminer, comment on dit dans la langue de votre deuxième pays, votre deuxième patrie du cœur, un autre jour est possible? Satu hari mungkin. Et moi, je dois vous répondre, merci beaucoup, comment je dois dire? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, ça veut dire donner et recevoir, ou je reçois votre amour. Terima kasih, et je rajouterai en langue française, si vous voulez réécouter toute la série de Elisabeth de Inandiak en quelques clics, vous avez tout à votre disposition, l'écoute en ligne ou le podcast franceculture.fr, un autre jour est possible. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem, tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Et notre invité culturel, pour ceux qui viennent de se réveiller, c'est Richard Maguire qui sort chez Gallimard un très beau roman graphique. Ici, Richard Maguire qui a refusé de dessiner pour l'émission, donc qui a refusé de se prêter à ce jeu. Pourquoi Richard Maguire? I am not a typical Parce que band dessinée, je ne suis artist. Pas un artiste de bande dessinée type classique, je ne sais pas comment vous dire. I don't feel a compulsive need spontanément, je ne ressens pas le besoin de dessiner, ni l'envie. Mes carnets ont souvent plus d'écriture que de dessin dedans. Je me considère comme artiste quand même, mais en même temps, j'essaie d'utiliser différentes techniques, hein, différentes formes d'art, et de ce fait, j'ai fait du cinéma, j'ai créé des objets, des jouets. Vous avez fait de la musique. De la musique, oui, bien sûr. J'avais un groupe, j'ai fait des disques. J'ai touché à beaucoup de choses. Et je fais des dessins pour le New Yorker, le magazine américain. J'aime bien essayer de nouvelles choses. Et là, c'est mon premier roman graphique. Ici. C'est un bel objet que ce livre concept, comme on dit. La couverture est une fenêtre et le titre en 3 lettres. Ici est une invitation à aller voir ce qui se trame dans la pièce qui est renfermée dans le livre. C'est l'histoire d'un lieu, un coin de pièce, un point de l'espace, quelque part aux États-Unis, traversé par des milliers d'années. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais sur chaque double page, vous pouvez imaginer ça, sur chaque double page du livre, il y a une cartouche qui donne la date, c'est-à-dire depuis la nuit des temps jusqu'à un futur lointain, et sur la plupart de ces doubles pages se superposent d'autres cases, de la même maison à des dates différentes. Plusieurs fenêtres donc, dans les doubles pages, qui racontent des fragments de vie, advenu en ce lieu précis. Ici, on a vécu, on a bu, on a pleuré, on a perdu la vie. Ici, on a changé plusieurs fois le mobilier. On s'est pris en photo. Ici, il y avait une maison et avant une forêt. Ici, deux Indiens se sont aimés. Ici, la guerre de sécession a fait éclater une famille. ici conjugue donc tous les temps dans un même lieu. Ici, le passé est présent et le nos futurs pressenti. Il y en a eu des gens qui sont passés par ce lieu, et de toutes sortes. Ici, le personnage principal, c'est le décor, et les personnages changent comme le mobilier. C'est un joli retournement de situation, c'est ça la bonne idée du livre. Mais il n'y a pas que ça. La réussite de cet époustouflant roman graphique réalisé à l'ordinateur ne tient donc pas seulement au défi de raconter plusieurs épisodes en même temps advenus en un seul lieu, enfin quand je dis en même temps, non, à des époques différentes mais représentées dans un même espace. La réussite vient du sentiment qui s'en dégage, car petit à petit, au fil des pages, il y a une magie qui s'opère, un rapprochement entre les scènes, entre les moments de vie. C'est une symphonie graphique qui oublie et qui rend humble. Oui, ça rend humble peut-être parce qu'il est question du sens de notre passage sur Terre, de ce qu'on hérite de ceux qui nous ont précédés et de ce qu'on laisse après nous. C'est une performance graphique, c'est aussi un conte philosophique. Ah. Well, thank you. Merci pour cette belle description. It's very hard to speak about this c'est très difficile de parler de cet ouvrage à la radio. Lorsqu'on m'interroge sur le pourquoi ou ce que raconte ce livre, je dis que ça parle de l'impermanence, de l'éphémère. Et c'est vrai, notre passage sur Terre est très bref. Et ce que je me dis, c'est que j'y ai pensé de différentes façons. Concept, au départ, j'avais une espèce de devise. Je me suis dit, voilà, il faut que les grandes choses soient petites, soient ramenées à une petite taille et que les petites choses prennent toute l'importance. Ça, c'est un petit peu ça la devise qui sous-tendait cette œuvre. Et je m'intéressais davantage aux petites choses, aux détails, aux choses qui n'ont pas laissé de traces, pour lesquelles il n'y a pas d'histoire, justement. Même si, justement, j'ai fait beaucoup de recherches sur l'histoire du lieu, mais ce n'est pas un livre d'histoire. Et les questions de ma famille, enfin, en tout cas, on la retrouve dans ce livre, mais ce n'est pas non plus les mémoires ou l'épopée familiale. Enfin, ça s'appuie, ça s'inspire, disons, d'épisodes de ma vie ou de la vie de ma famille. Mais on s'y retrouve, le lecteur peut s'y reconnaître, s'y identifier, parce qu'il reconnaîtra des choses qui lui sont peut-être arrivées à sa façon. Les étapes importantes de la vie, la naissance d'enfants, la mort de parents, enfin, c'est des choses que chacun a connues, les anniversaires, enfin, tous ces événements, toutes ces dates, on les retrouve dans sa vie. Diriez-vous que vous avez été philosophe en faisant ce roman graphique, Richard McGuire, ici? I don't know about that. Oh, je dirais peut-être pas ça. Ou alors, dans quel état d'esprit avez-vous accompli ce livre? Est-ce que les questions de la vie, de la mort, de notre passage sur Terre étaient présentes, ou bien c'était juste cette envie, ce défi artistique de réaliser un livre qui peut conjuguer effectivement tous les temps dans un lieu unique? Well, two different versions. Disons qu'il y a deux versions à propos, il faut le savoir. La première version de ce livre date 1989. Et là, il n'y avait que six pages. Et ça, c'était pour la revue d'Art Spiegelman. Oui, Raw, le magazine. Raw magazine d'Art Spiegelman, effectivement. Et là, vous vous êtes fait remarquer par tout le monde. Hein, Art Spiegelman, mais aussi Chris Ware, tout le monde. Ah oui, effectivement. Ces six pages ont été reproduites. Et ça m'a attiré une certaine notoriété. Je ne m'en rendais pas compte à l'époque que je découvrais, enfin que je sortais des sentiers battus en quelque sorte. Mais l'idée qui m'est venue initialement, au départ, j'aimais beaucoup ce que faisait Art Spiegelman, son magazine Raw. Bon, j'ai écouté une conférence qu'il avait donnée. Et puis, en l'écoutant, ce qui m'est resté de la conversation, finalement, c'était que les bandes dessinées, c'est un peu des diagrammes. Et alors, je venais de m'installer dans un appartement et je regardais le mur et je demandais qui avait habité ici avant moi. Et puis l'idée m'est venue de créer une histoire qui serait divisée en deux, si vous voulez. D'un côté, on se plongerait dans le passé, et dans l'autre, on se projetterait vers l'avenir. Et voilà, ça c'était, si vous voulez, la trame initiale, le point de départ. Et puis ensuite, un ami est venu me rendre visite, il m'avait parlé de son nouveau logiciel Windows et le fait d'avoir des fenêtres du temps qui pourraient apparaître simultanément sur un écran. C'est là que l'idée m'est venue. Maintenant, passer à une étape plus profonde, y intégrer des expériences du vécu, ça c'est quand même autre chose, c'est une autre démarche. It goes deeper emotionally. Parce qu'évidemment, sur le plan affectif, on va beaucoup plus loin. Et c'est peut-être ça qui fait de moi peut-être un peu plus un philosophe dans cette œuvre, oui. C'est donc un gros livre, donc votre première publication dans le magazine de Rowe, vous avez eu beaucoup de temps pour étoffer votre histoire à partir du même principe. Est-ce que vous aviez autour de vous des gens qui venaient discuter de cette idée, ou est-ce que c'est vraiment un voyage en solitaire que vous avez fait dans ce livre concept, dans ce livre réflexion? Lorsque j'ai décidé de m'y remettre en quelque sorte, j'ai posé une candidature pour recevoir une bourse à la bibliothèque de New York. Et enfin, 12 auteurs sont accueillis. Et je crois qu'il y a très peu d'artistes graphiques qui ont été, disons, lauréats ou boursiers de cette institution. Je crois qu'il y en avait 3 qui m'ont précédé, mais sinon c'était que des auteurs. Enfin, j'ai eu la chance de l'emporter. Et alors, non seulement on a des moyens, mais on a également un bureau pendant un an à peu près. On est payé pour faire un travail de recherche sur un projet. Et au départ, c'était un petit peu impressionnant, intimidant de me retrouver entouré de véritables auteurs, si je puis dire. Mais c'est une expérience où justement, on vous encourage à aller voir d'autres gens et découvrir leurs projets. Donc ça a mis la barre plus haut, en quelque sorte. Allez, dernière question, c'est est-ce que pour vous, c'est important, Richard McGuire, de laisser quelque chose après votre passage sur Terre ? Des dessins, de la musique. I don't know. Hopefully something will remain of what I did. J'espère que j'aurais pu laisser quelque chose de moi, mais je ne sais pas vraiment. Vous le voulez ou pas? C'est important pour vous? It would be nice. Ah oui, ce serait sympa de pouvoir laisser quelque chose derrière moi. Bon, déjà, pour toutes les bibliothèques du monde, vous laissez un beau livre. Ici, c'est édité chez Gallimard. C'est traduit de l'américain par Isabelle Troin. Et cette interview de Richard McGuire, que vous pouvez retrouver sur franceculture.fr, à la page de l'émission Un autre jour est possible, a été traduite, une traduction simultanée de Robert Wolfenstein. Merci d'être passé ce matin. Merci beaucoup. Dans un instant, les premières informations du jour. Tout de suite après, les matins, nous, on se retrouve lundi. Passez un bon week-end avec France Culture.